Activité 2. Radio Orléans, il est 7 heures. Aujourd'hui, il fait moins 7 degrés. À cause de la baisse des températures, beaucoup de routes sont verglacées. Ne prenez pas votre voiture aujourd'hui, les routes sont glissantes et dangereuses. Dans le centre d'Orléans, aucun bus ne circulera. Le tramway est bloqué à cause de la glace. Les transports scolaires sont annulés et les écoles ne pourront pas recevoir les élèves. Cependant, la poste assurera un service minimum à partir de 10 heures. Pour consulter la liste des établissements ouverts, vous pouvez appeler le numéro vert de la poste au 0800 44 45 46. L'appel est gratuit.